Le 3 courant, le stade Kim Il-sung a abrité le second match entre les équipes coréennes Lokomotiv et 25 avril au sein du groupe 9 Asie-Est pour la Coupe de la Confédération asiatique de football 2017. Les deux équipes coréennes ont fait match nul.